Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouveau numéro du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Monsieur Jason Brokers. Salut Sofiane. Salut Jason, bon, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ? Ouais, mais c'est du classique, hein. C'est une première partie de quelqu'un que je ne citerai pas. Et en plus, je sais même pas sa faute, il n'a rien à voir dans cette histoire. Ah d'accord, ok. Et je crois que c'est le plus gros beat de ma vie, c'est-à-dire que je devais faire quoi, 8 minutes ? J'ai l'impression d'avoir fait 2 heures. Mais tu sais, le regard des gens qui te... Ils sont même pas méchants, c'est juste qu'ils te disent mais... Il souffre. Que fais-tu? Il souffre pour toi. Ah ouais, c'était horrible, mais genre pas un rire pendant quasiment 10 minutes. Et... C'était du test ou... Non, même pas, c'était un truc qui marche tout le temps. Ouais. Et... Donc c'est vraiment pas de bol, quoi. Non, je sais pas ce qui s'est passé ce soir-là, je sais juste que j'ai beaucoup souffert. Et après, faut rentrer chez soi. Ouais. Et le chemin, il est long. Ah, c'est sûr. Et... T'oses même pas regarder ta femme dans les yeux à ce moment-là. Ah non, t'oses rien, même toi, surtout toi que t'oses pas regarder. T'évites de croiser des miroirs pendant genre un an. Moi, je les ai enlevés à la maison, c'est plus simple. Et ouais, je crois vraiment que c'est le moment le plus dur sur scène que j'ai vécu. Ah, mais c'est bon. Ça, le temps se démultiplie dans ces moments-là. Ah ouais, laisse tomber, t'as l'impression que ça met 4 heures. Ouais, mais c'est... Et en fait, après, on m'a dit, t'as fait que 2 minutes. J'ai dit, ah bon. Je crois que ça, c'est ah ouais, le pire, l'horreur. Ah, mais c'est une horreur, mais bon. Mais... Ouais. Après, bonne nouvelle, c'est le genre de truc qui nous forge et qui, ouais, c'est ça, et qui fait qu'on kiffe sortir. Après derrière, tu vois, on apprécie le reste, quoi. C'est ça. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, avec plaisir. Tu es sur Paris en ce moment avec ton spectacle ? Ouais, mon spectacle du 21e seconde, du jeudi au samedi à l'Apollo Théâtre jusqu'à fin avril. D'accord, à quelle heure ? Et on prend en septembre, 21h30. 21h30, ok. Et on annonce bientôt, j'ai pas le droit d'en dire beaucoup plus, mais on annonce la tournée très très très très très bientôt. Ah, ça fait plaisir. Ouais. Mais écoute, merci beaucoup sur les réseaux sociaux, donc c'est Jason Brokers avec 2 S. Ouais, c'est ça. Voilà. Jason Brokers. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, Sofiane. Avec plaisir. Pour ma part, vous me retrouvez toujours sur les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt. Bisous à tous, même à toi là-bas.